de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. FPP. Attends, la jungle des luttes. Donc vous êtes avec le CSPCL, Comité de solidarité. Avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc on se retrouve tous les lundis, tous les troisièmes lundis du mois de 19h à 20h30. Et vous êtes, on est rediffusé le quatrième jeudi de 8h à 9h30 le matin. Donc nous, le CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, vous pouvez nous retrouver maintenant, ça a changé, nouvelle année, nouvelle rentrée, nouveau rythme, nouveau lieu même, carrément. Donc on n'est plus dans les locaux de la CNT parce qu'il va y avoir des travaux, donc on sera au CICP, au centre... International des Cultures Populaires, 21 Terre, rue Voltaire. Et le premier mercredi du mois, et non plus 1, 3, 5, c'est plus que le premier mercredi du mois. Donc toujours à 20h, et donc au CICP à Paris 11e. Donc c'est toujours une assemblée ouverte, donc on vous invite à nous retrouver pour qu'on parle des luttes ici, là-bas, ailleurs, en bas, à gauche, des apatistes et du Mexique, mais aussi donc... de toutes les luttes qui peuvent nous toucher et qu'on peut éventuellement justement rencontrer à travers des personnes qui se sont approchées de ces luttes et qui connaissent et qui peuvent du coup nous transmettre une autre parole que celle qu'on peut trouver dans les médias de base et dans les médias libres. Malheureusement, ce n'est pas encore assez développé. Et du coup, en tous les cas, voilà, FPP essaie de donner un espace à différents groupes comme à nous, là, le CSPCL. Et donc, on essaye, nous aussi, de donner la parole à ceux qu'on rencontre et qui nous touchent et avec qui on est aussi et qu'on rencontre sur le parcours, comme le collectif Paris Ayotzinapa, qu'on connaît depuis 10 ans quand il s'est formé à l'occasion de la disparition des 43 étudiants au Mexique. Donc il y aura Camila du CPA qui sera là pour nous en parler. Justement, notez sur vos petites tablettes qu'il y a un événement samedi 29 samedi 28 septembre à La Parole est rente à partir de 16h jusqu'à minuit avec des discussions, des débats, une cantine, de la musique. Et donc vous pourrez avoir l'occasion de rencontrer le CPA et pas seulement. Mais donc ça c'est déjà dans vos tablettes et on y viendra plus précisément après la pause musicale. On aura aussi en deuxième partie une discussion qui a eu lieu hier à l'aérie à Montreuil. Et donc, pendant qu'il y avait une manifestation pour célébrer justement la deuxième année du soulèvement en Iran du mouvement Femmes, Vie, Liberté, il y a eu une discussion et on partagera avec vous des moments de cette discussion. Et on parlera ensuite du réseau Remise à Flot, un réseau qui organise un voyage annuel pour livrer du sud vers la région parisienne et donc des produits artisanaux faits par des producteurs engagés. Et ce voyage, c'est sur les canaux et les fleuves et donc sur une péniche. Et l'enjeu, là, en ce moment, justement, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on en profite de vous en parler. Il faut qu'on rachète ce bateau. Et voilà, je vous en parlerai plus en détail. Mais donc, justement, vous pourrez rencontrer Remise à Flot et aussi le CSPCL le lendemain de l'événement du CPA. Donc, le CPA, c'est le 28 septembre. Et le 29 septembre, au CICP, il y a la journée distribution café. Et il y aura aussi une table de Remise à Flot, justement. Et éventuellement, peut-être une copine qui nous rappellera en fin d'émission. Et sinon, on en parlera pour elle. C'est Corinne qu'on avait déjà rencontrée en février à l'occasion d'un combat qu'elle mène depuis des années pour des restitutions des ancêtres qui ont été exhibés à Paris il y a déjà plus d'un siècle. Et donc, peut-être qu'elle sera avec nous, et sinon, on vous donnera les infos. On fait une pause musicale et on retrouve tout de suite ensuite Collectif Ayotzinapa. Preguntaba la doña, se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado. Tres días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Estudiante de medicina, se llama Agustín y es un buen muchacho. Es a veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó. Explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, oh, oh. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¡Avestruz! Point 3 FPP, la jungle des luttes, on est avec vous jusqu'à 20h30 en direct et on est avec Camila du collectif Paris Ayotzinapa. Le mieux, c'est que tu présentes le collectif et tout ce que ça peut représenter. Et on en a parlé en début de l'émission. Il s'agit donc du Mexique dans l'état du Guerrero. Bien sûr. Et merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je parle au nom de la collective Paris Ayotzinapa. Donc, nous, on était un groupe de personnes qui on s'est retrouvés dans la rue lorsque... lorsqu'il y a eu l'événement du cas d'Ayotzinapa qui a quand même eu beaucoup d'ampleur et d'écho à l'international, donc ici à Paris. Donc on se retrouvait dans la rue, on a commencé à faire des événements en solidarité avec les familles, avec les pères et les mères qui cherchaient leurs enfants et qui continuent à les chercher d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, on est ravis de vous inviter à la commémoration des 10 ans de ce terrible événement, mais qui quand même a permis de tisser plein de luttes. Et ça va se passer le samedi 28 septembre à La Parole Errante. Donc c'est au 9 rue des Bergues à Montreuil. C'est le métro Croix-de-Chaveau. Ça sera de 16h à minuit. On va faire une discussion sur le cas d'Ayotzinapa. Donc je vais vous raconter un petit peu là tout de suite. Mais donc on va approfondir cette discussion. Il y aura aussi le long de la soirée des prises de parole du réseau d'entraide Vérité Justice, donc des collectifs qui luttent contre la violence policière et carcérale à Paris et dans toute la France. Et puis, il y aura aussi des piñatas qu'on va casser. Ça, c'est une petite surprise qu'on vous prépare. Et puis, il y aura une cantine mexicaine, il y aura un bar et il y aura des concerts et un DJ set. Donc, on vous attend. Nombreuses. Et donc, pour vous parler un petit peu du cas d'Ayotzinapa, ça s'est passé pendant la nuit du 26 au 27 septembre 2014, donc il y a bientôt 10 ans, que un convoi, enfin des étudiants de l'école normale rurale d'Ayotzinapa, avaient pris des bus pour se diriger à la ville de Mexico. Et pour assister à la marche, à la manifestation du 2 octobre 68, donc il y a eu un massacre d'étudiants. Mais ils ont été interceptés par tous les niveaux de la police fédérale, un groupe de narcotrafiquants, des membres de l'armée. Et il y a eu 6 morts ce soir-là, si je ne me trompe pas. Non, pardon. Oui, 6 morts. Et aujourd'hui, on continue de chercher 43 étudiants qui ont disparu. Et juste pour vous donner un petit peu de contexte, donc Ayotzinapa, c'est où ? Ayotzinapa, c'est un village dans l'état de Guerrero. Et le Guerrero est quand même le deuxième producteur d'héroïne dans le monde. Donc il y a beaucoup, c'est un état où il y a beaucoup d'enjeux par rapport à la plantation, à la production de l'héroïne et aussi à son transport, à son acheminement, notamment vers les États-Unis. Et l'école normale rurale d'Ayotzinapa, c'est une école dans laquelle s'est formé notamment Lucio Cabañas, qui est un révolutionnaire, le leader del Partido de los Pobres, le Parti des Pauvres, qui a pris les armes contre l'État et toute sa barbarie, son injustice contre les populations indigènes et rurales du Mexique. Et donc, il avait notamment séquestré un sénateur et il est mort dans cette lutte. Donc voilà, c'est quand même une école qui a une tradition d'organisation, d'une conscience politique très forte. Et on le voit bien parce que les étudiants et qui ont été attaqués et dont 43 ont été disparus, victimes de disparition forcée, ils se dirigeaient justement, marchaient pour que justice et vérité soient faites pour le massacre du 2 octobre 68. Et donc aujourd'hui, 10 ans plus tard, on a la rage et l'indignation parce qu'il n'y a pas la vérité, la lumière qui s'est faite sur cette affaire. On cherche toujours à savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement avec ces 43 étudiants. Donc, tant le Centre Pro de droits humains qui accompagne les parents qui cherchent toujours les étudiants, leur posture, c'est que tant qu'on n'a pas une identification de corps, tant qu'on n'a pas un récit digne de ce nom, enfin de vérité, on va continuer de les chercher. Et nous, on les soutient dans cette démarche. Donc, pour commencer à parler de ce que c'est que la vérité historique. Donc, suite à cette attaque, des 43 étudiants, et la société civile s'est indignée et est sortie dans les rues parce que bon, c'était des étudiants qui étaient organisés, donc cette attaque complètement incompréhensible, enfin d'attaquer avec des armes, tuer des gens, enfin notamment Julio César Mondragón qui a été tué d'une manière épouvantable et dont on voyait une technique militaire atroce, enfin il était torturé quoi. Il y a eu des photos de son cadavre qui ont circulé dans les réseaux, ça a enflammé les rues. Donc les gens se sont mis à chercher activement les étudiants. Donc, en les cherchant, on a d'ailleurs trouvé d'autres fosses clandestines. Et donc là, dans tous les journaux, on voyait apparaître des intitulés de la sorte on cherche les étudiants, on a trouvé 15 corps dans une fosse, mais par contre, ce n'est pas les étudiants. Mais du coup, c'est qui ? C'est à ce moment-là aussi où le collectif Los Otros Desaparecidos, les autres disparus, s'est formé et qu'on a commencé à parler d'Ayotzinapa comme la pointe d'un iceberg, parce qu'il faut savoir qu'au Mexique, on compte au moins officiellement 100 000 disparus. C'est énorme. C'est énorme si on voit les proportions. Et d'ailleurs, depuis que Felipe Calderón, le président à l'époque, en 2006, annonçait la guerre contre le narcotrafic, on parle quand même de 350 000 morts. Donc, voilà, le pays est une fosse commune. Il est complètement ravagé par la violence. Et pendant que la société civile se mobilisait, le gouvernement, en collusion avec l'armée et toutes les institutions, enfin la Secrétaire de Défense Nationale et la Marina, ils ont monté en toutes pièces ce qu'aujourd'hui on appelle la vérité historique, qui était présentée en octobre 2014, alors que la société criait d'indignation et pour la justice. Et ils ont présenté une histoire, un récit, comme quoi les étudiants étaient venus perturber un événement du président municipal de la ville d'Iguala et que celui-ci aurait donné les ordres à la police qui était complètement colludée, la police municipale, ils ont voulu ça garder à l'échelle très locale. Ouais, ils ont fait payer le plus petit, ouais. Ouais, exactement, pour cacher le fait que ça arrive. Oui, que ça touche tout le monde, tous les niveaux. Ouais. De l'État, ouais. Et donc, les étudiants auraient été attaqués par les narcos. On ne sait pas trop pourquoi. Et qu'ils les auraient emmenés, les 43 étudiants, dans une déchetterie à Cholula, donc pas loin de l'Iguala, qui les auraient brûlés. Dans un soir, ils auraient brûlé 43 corps alors qu'il a plu. Et qu'après, ils auraient mis les restes de ce corps dans des sacs en plastique et qu'ils les auraient balancés dans la rivière, juste à côté. C'est quand même macabre comme récit historique en plus. Exactement. Et en plus, tous les témoignages qui soutenaient cette version, les témoins, ils étaient clairement victimes de torture. Ils avaient les tympans explosés. C'était très macabre. Donc, personne ne l'a cru, évidemment. Et les parents, ils ont fait appel, les parents, la société, avec tout le soutien d'une organisation populaire et civile, ils ont demandé à un groupe interdisciplinaire d'experts indépendants, que le GIEI, qui sont venus et qui ont enquêté de leur côté et qui ont démonté toute cette vérité historique présentée à l'époque Murillo Karam, qui était le procureur général et qui aujourd'hui d'ailleurs a un mandat d'arrêt. Lui, tu veux dire ? Oui, contre lui, ouais. Parce que... Lié à cette histoire ou non ? Oui, complètement lié à cette histoire, parce que Et je reviendrai un peu plus tard, mais quand même, enfin, quand AMLO, l'actuel président, il est arrivé au pouvoir, il a fait en sorte, il a fait aussi son propre théâtre de comment il allait donner vérité et justice enfin aux parents. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Il y en a eu des avancées, mais ils les ont quand même baladées. Et aujourd'hui, on exige toujours vérité et justice. Donc, les experts, ils ont démonté cette vérité historique et ils ont surtout parlé d'un cinquième bus que dans l'enquête initiale, on n'en parlait pas. Donc, la version du gouvernement parlait de 4 bus et en fait, il y en avait un cinquième et ce cinquième contiendrait toute une cargaison d'héroïne et qui vaudrait plusieurs millions de dollars. Et donc, comme je vous ai dit au début, le Guerrero, c'est l'État où on produit le plus d'héroïne. Via des bus qu'on achemine ça vers les États-Unis, par exemple, et partout dans le monde. Et c'est surtout l'armée qui a toujours contrôlé le passage de ces drogues. Et d'ailleurs, là où il y a eu l'attaque, c'était près d'un centre d'intelligence. Et où toutes les communications toutes les lignes téléphoniques sont écoutées, sont sous écoute, où il y a plein de caméras. Et c'est là où s'est déroulée l'attaque, donc sous les yeux de l'armée. Cela aujourd'hui est prouvé. Donc on ne peut pas dire que l'armée n'était pas au courant. Et aussi, les étudiants étaient encerclés par au moins 180 personnes des 3 niveaux de police, donc fédéral, étatique. Enfin, disons départemental ou régional et de l'État, quoi, et fédéral. Finalement, il n'y a jamais eu de vérité encore aujourd'hui, même si, du coup, justement, comme tu disais, AMLO a tenté de faire croire qu'il y avait des avancées, mais c'est surtout... cette organisation indépendante quoi qui a pu surtout le Hay, il a au moment où il a révélé qu'il y avait ce cinquième bus et qu'il y avait ce centre d'intelligence, il fallait toquer à la porte de l'armée et c'est là qu'il se fait virer du pays. Et c'est après avec AMLO qu'il est revenu quand il a fondé une commission pour la justice et la vérité qui était normalement destinée à éclaircir le cas et qui a quand même émis 84 mandats d'arrêt, mais parmi ces personnes qui ont un mandat d'arrêt, il y en a qui sont toujours dans leur poste tranquille, et il y en a carrément une vingtaine qui ont été écartées par le président sous prétexte que affaiblir l'armée, ça serait la mettre, l'affaiblir aussi la souveraineté nationale face aux États-Unis. Exactement. Donc, il a protégé Cienfuegos, le chef de l'armée. Donc, il a pas mal pacté avec l'armée. Donc, bon, on va parler plus en détail parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations à donner à ce sujet, enfin, sur l'actualité des étudiants. Et en fait, il y en a 3 restes qui ont été identifiés. Mais les autres, on sait pas vraiment ce qui s'est passé avec certitude. Et donc voilà, l'idée c'est que nous on se range du côté des parents, que quand même ils ont eu l'indignation de recevoir une sorte de reportage où on disait que leurs enfants avaient quand même une partie avait été brûlée, une autre avait été détruite dans l'acide, une autre leur était cachée dans une caserne. Mais il n'y a rien qui est clair et c'est toujours des mensonges. C'était une façon de faire taire les parents, de les abattre psychologiquement aussi quand on t'annonce un tel truc. Oui, surtout que là, récemment, il a fait une déclaration comme quoi il disait que les parents étaient... Enfin, ils n'étaient pas légitimes d'avoir telle et telle parole. Juste avant le 10e anniversaire. Donc voilà, c'est une vérité à moitié, en protégeant les principaux acteurs. Décideurs, oui. Il y en a beaucoup. Par exemple, le président qui était en ce moment en charge, il est actuellement à Madrid. Et il a plein de richesses et il profite de sa vie alors qu'il devrait complètement être jugé, arrêté. On devrait un peu prendre pour l'exemple l'Argentine, ce qu'il a fait récemment avec tous les militaires, enfin quelques militaires qui ont participé là à la dictature. Donc voilà, la situation reste indignante, mais quand même ça a fait une prise de conscience, je pense, tant au niveau international qu'au niveau national. Et même si les parents, et pas que ceux d'Ayotzinapa, mais les parents en général continuent de chercher ces 100 000 disparus, parce qu'il faut savoir que derrière chaque disparu, il y a une famille. Et il y a des gens qui sont laissés derrière, et parfois les personnes qui sont disparues étaient le soutien économique, et les mères sont en train de chercher. Enfin, c'est quand même le pays est dévasté par cette situation. Mais nous, on veut quand même faire de notre rage, de continuer la rébellion avec joie. Et c'est pour ça qu'on fait cet événement, pour dire qu'on n'oublie pas, qu'on ne pardonne pas, qu'on fait mémoire, et que quand même, on essaye de semer des graines qui vont fleurir et qui vont nous donner de la joie, de l'espoir pour continuer à se battre contre les gouvernements qui vont arriver, et que justice soit faite coûte que coûte, et le temps que ça prend. Merci beaucoup. Et justement, vous pouvez manifester aussi votre solidarité en vous rendant samedi 28. C'est samedi prochain, hein, dans l'autre, la semaine suivante. Très prochainement, donc, à partir de 16h à la Parole Errante à Montreuil. Et donc, il y aura plusieurs moments et plusieurs étapes. Et donc, on pourra aussi s'amuser, mais aussi discuter et reprendre un petit peu le fil de cette histoire. Et on salue tous les parents et toutes les familles qui cherchent leurs disparus. On fait une petite pause musicale. Merci Camilla du CPA. Et on vous retrouve très vite. Merci. Au revoir. Se mata como un juego y hoy al estudiante le volvió a pasar por eso. Ellos no dudan en los gatillos jalar y son mal número de jóvenes que mata el capital. Mejores condiciones para el pobre no para el rico. Más apoyo al estudiante campesino. Son las demandas de quien no ha llegado a casa. Desapareciste o mataste con tus armas. Esa es la historia de un país en democracia. Una dictadura disfrazada y maquillada. Ayotzinapa vuelve a ser la pesadilla. No cabe duda, están matando a aquel que lucha. No nos engañaremos con sus cínicos montajes. Sabemos que esas balas obedecen a quien pague. No nos comemos su discurso de indignados. A ustedes no les duelen los muertos de acá abajo, porque esos son los muertos de un pueblo en guerra. Y en esta guerra la venganza nunca espera. Ya nos cansamos de poner esa mejilla. Será del pobre su justicia. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Es una rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Es una rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Es una rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Creció tu rebeldía. El mismo proceso como hace muchos años. Lucrar con la sangre de los pueblos olvidados. Cuestiona tu falta de sensibilidad. Falsa su justicia, faltas a su moral. No existe el derecho, falsa la libertad. Reina la hipocresía, mentiras y maldad. Adoradores del dinero, mezquinos por entero. Asesinos de su pueblo, no tienen dignidad. Son políticos criminales de lesa humanidad. Y queda asentado para su posteridad que la semilla ha germinado y esta lucha no ha dudado ni siquiera dar un paso atrás. Porque estos pueblos convencidos de su lucha por una vida justa no se doblegarán. Somos guerreros incansables con grandes ideales. Por más que intenten no nos callarán. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Es una rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Es una rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Es una rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Es una rebeldía. Es una rebeldía. Creció la rebeldía. De la jungle des luttes, on passe à autre chose, mais c'est toujours la lutte pour la vie. Et c'est justement avec les copains et copines qu'on a organisé quelque chose, enfin qu'on a organisé une discussion, une cantine également à la RI hier dimanche. Et donc c'était l'idée de pouvoir pas seulement manifester et célébrer le deuxième anniversaire de ce soulèvement Femme, Vie, Liberté qui a fait beaucoup de bruit et qui a remué beaucoup l'Iran et qui a elle-même laissé espérer la chute du régime à cette occasion. Et donc cette proposition d'hier, c'était aussi justement de pouvoir débattre et de discuter de pourquoi ça n'a pas réussi à peut-être créer quelque chose qui allait au-delà des revendications premières et nécessaires qui sont les droits des femmes en Iran et ailleurs et partout, auxquels se sont mêlés effectivement des étudiants, des hommes et des travailleurs. Mais ça n'a pas réussi à ce que apparemment on peut aussi espérer, vraiment la fin de cette république islamique répressive qui, depuis longtemps, donc, laisse peu de place et crée des exilés, comme on en connaît donc ici beaucoup à Paris. C'était en partie ces exilés, ces diasporas iraniennes qui étaient hier à l'AERI et qui discutaient, et qui justement, moi j'ai trouvé de façon assez exceptionnelle qu'on puisse être manifester des désaccords certains, mais de façon très posée, sans affect, malgré la vraie question épineuse de quand ce régime enfin chutera. Et donc y aura là une première intervention, il y en avait une autre avant pour présenter la journée, et ensuite en fait il y en a qu'une que j'ai sélectionnée pour que ça laisse du temps. Il y a une autre réponse qui montre à quel point peut-être il y a des questions et des termes dans lesquels on réfléchit pas forcément en France, mais je trouve ça intéressant. Ensuite il y a pour finir une lettre écrite de prisonniers politiques donc en Iran, et voilà, tout ça raconte un peu comment ils essayent de dialoguer et d'analyser ce qui est en train de se passer depuis 2 ans et même avant, et même donc déjà depuis 79, avec évidemment plusieurs étapes. On vous laisse écouter, merci, 106.3 FPP, la jungle des luttes. Et merci de m'avoir aussi donné cette occasion de partager avec vous plutôt quelques idées, et j'ai trop envie d'en parler avec vous peut-être après. Ça ne va pas être très long, et j'ai juste envie de rappeler à travers de contextualisation du mouvement 2022, de rappeler quelques points plus importants et ce qui nous reste peut-être depuis cette révolte de Jinjian Azadi, Femme, Vie, Liberté, et à travers de là, de voir un peu la période post-révolte pendant 2 ans. Et comment l'opposition elle a réagi. Et qu'est-ce qu'il a donné aussi la réaction de différents groupes ? On est où dans l'espoir collectif ? On est où dans l'organisation collective ? Et aussi dans l'imaginaire collectif du futur ? Et à la fin, j'essaie d'arriver sur le contexte actuel, à la fois au Kurdistan et aussi sur la question de femmes. Du coup, j'essaie de croiser les deux. Ces deux acteurs principaux du mouvement Femme et Liberté, c'est-à-dire à la fois les femmes comme les pionnières du mouvement et aussi les minorités ethniques et nationales, du coup, y compris surtout du coup, les Baloutches et les Kurdes. On sait très bien que le mouvement 2022, il a commencé au croisement de deux événements très importants qui a été déjà commencé en 2017. En 2017, on avait un jour, donc il y avait évidemment Vahed, du coup, qui a commencé avec sa performance avec son foulard sous le bois. Du coup, il a commencé ce qu'on appelait après le mouvement des filles de la révolution de Emre Lab. Du coup, c'était vraiment un mouvement, on peut dire, une rupture par rapport à tout ce qu'on a connu du coup, au sein du mouvement féministe avant 2017. À cette date-là, lendemain du jour où Vida Mohamed il fait cette performance qui a tout de suite repris par des autres femmes, qui est devenue un mouvement contre le voile obligatoire, lendemain, du coup, on avait la révolte populaire. C'est ce qu'on appelait Riyamet Eshnegan, Riyamet Gorosnegan, c'est-à-dire la révolte des personnes périphériques, de classe populaire, et surtout c'était dans la région arabe et kurde cette fois-ci. Malheureusement, ces deux mouvements, ils sont restés plus ou moins isolés, ils ne se sont pas croisés, et c'était en 2022 qu'ils ont pu finalement se croiser, du coup, au Kurdistan, au jour de l'entraînement de Jina Amini. Mais pourquoi ils se sont croisés à cette date-là, et c'est à partir de là qu'on a l'occasion énorme d'une révolte populaire qu'on n'a pas connue vraiment depuis la révolution iranienne, c'est parce que le Kurdistan, il avait vraiment cette capacité politique, cet héritage très riche politiquement, qui a pu du coup, nourrir ces événements, qui a pu accueillir à la fois du coup, la puissance de révolte 2017 et après la révolte de 2019, et finalement de tout ce qui a donné les révoltes des femmes, surtout après 2017. Et cette puissance s'est traduite à travers de plusieurs performances. On a la performance des femmes le jour de funérailles de Jina avec du coup, les voiles. Pour la première fois, on a le dévoilement collectif des femmes ce jour-là à Sakès, donc une petite ville vraiment qu'on n'a jamais entendu le nom, peut-être si on n'est pas kurde en Iran. Et on avait plusieurs performances très puissantes, pareil, par exemple, il y avait deux déclarations très importantes féministes qui ont été lues ce jour-là. Et il y avait le slogan « Femme, vie, liberté, jeune, jeune, sadi » qui devient le slogan principal du mouvement. Du coup, toutes ces performances, le croisement de ces événements au Kurdistan, ils ont donné la naissance à un mouvement très puissant qui a pu visibiliser tout ce qui a été avant et après, c'est-à-dire c'est aussi une manière de visibiliser tout ce qui a été méprisé jusqu'à ce jour-là. Et le mépris, il était surtout concernant les minorités nationales, du coup les Kurdes, Arabes, Balouches, Turcs, quoi que ce soit comme minorité, et surtout les femmes. Les deux groupes, ils deviennent acteurs principaux parce que finalement, on a compris avec tous ces éléments, et j'y reviens à la fin, que du coup, c'est pas qu'avec la répression, on peut pas vraiment, on peut pas mettre fin à un mouvement ou à un groupe minoritaire aux revendications politiques à travers de la répression. Parce que la répression, on peut le faire aujourd'hui, mais ça revient le lendemain. Et c'était vraiment le cas en 2017, après 2019, et on a vu qu'avec la répression, ça n'a pas marché, et les gens, ils étaient dans la rue en 2022. Et à mon avis, c'est encore le cas après cette date-là, après la période de post-révolte. C'est parce qu'en fait, s'il y a une menace après cette période-là, c'est pas forcément de la répression, même si la répression, elle joue énormément sur la manière dont le mouvement, il peut marcher ou ne pas marcher, mais finalement, c'est pas la répression qui est une menace principale aujourd'hui, dans la période post-révolte, pour le mouvement Femmes et Liberté, c'est vraiment le nationalisme, c'est le masculinisme généralisé, et j'y reviens à la fin sur les deux, comme où on est actuellement sur ces deux événements. Et je voulais juste rappeler aussi que le Kurdistan et le Baloutchistan aussi, ils étaient au centre du mouvement Femmes et Liberté, mais finalement, avec ce qu'on a vu après ce mouvement, du coup, qui est pour certains un échec, qui est pour certains une pause, qui est pour des autres la continuation de tout ce qui a été, etc. Comme on peut la traduire comme on veut, mais finalement, les groupes qui étaient au centre de ce mouvement, ils ont été marginalisés tout de suite, à la fois dans les médias, dans le discours de groupes d'opposition, surtout et dans le discours dominant de manière générale. Pour les gens qui ne savent pas, depuis, moi je pense que, après on pourra en discuter, mais moi je pense que l'alternative qui a été proposée depuis le mouvement Femmes et Liberté, depuis 2 ans, c'était surtout une alternative qui a été proposée ou qui a été vraiment médiatisée comme alternative possible, c'était un sort de républicain séculaire, une république séculaire et bien sûr qui respecte les droits des femmes. Du coup, les droits des femmes, on est plus ou moins, il y a le consensus là-dessus, d'avoir un État séculaire, il y a le consensus là-dessus, du coup la séparation de l'État et la religieuse, et aussi il y a du coup la question de quelle forme de l'État on cherche pour après la chute de régime. Et là, il n'y a pas vraiment le consensus. Et la plupart des gens qui ne sont pas dans la périphérie de pays, c'est-à-dire les gens de centre, ils pensent que l'alternative qui peut marcher pour la majorité de la population, c'est vraiment la République. Du coup, sans islamique, la République d'Iran qui peut marcher pour tout le monde. Et là, j'ai essayé d'expliquer pourquoi cette alternative il peut marcher pour une partie de la population d'Iran, mais il ne peut pas être vraiment une alternative ni pour les féministes, ni pour du coup, les minorités ethniques et nationales en Iran. D'abord, la plupart, au niveau de féminisme, pour en revenir très rapidement, tout ce qu'ils proposent, c'est un sort de féminisme libéral, précolonial, qui reproduit certaines formes de racisme contre les femmes, certaines formes de clichés, des stéréotypes très culturalistes, très colonialistes, qui existaient depuis toujours de la part des nationalistes, du coup envers des minorités ethniques. Par exemple, on essaie, quand on parle de Kurdistan et Baloutchistan, bah, au Kurdistan, on essaie de imaginer ou représenter le Kurdistan souvent avec la violence faite aux femmes, avec le féminicide, avec ce qu'on appelle un air killing, avec du coup crime d'honneur. Voilà, du coup c'est vraiment c'est équivalent des discours très racistes qu'on voit par exemple en France envers des femmes arabes. On ne peut pas imaginer le monde musulman ou les femmes arabes autrement, ou surtout quand il s'agit des femmes voilées, on pense tout de suite à une femme victime répressée et qui est potentiellement du coup victime de violences conjugales aussi. C'est la même chose au Kurdistan. Quand il s'agit de Baloutchistan, on pense à cette région que avec le trafic de drogue. On pense que tout le monde est trafiquant. Du coup, on ne voit pas vraiment la potentiel. Du coup, la culture elle est mise à côté et c'est que du coup, ces visions colonialistes qui ont été dominantes. Et c'est exactement ce sont ces types de stéréotypes qui sont en train d'être reproduits dans la vision des républicains qui cherchent du coup, de remplacer les islamistes en Iran. Et là, du coup, on ne voit pas vraiment une différence par rapport à la question de féminisme colonial ou féminisme libéral. En plus, deuxième élément très important dans cette alternative républicaine qui montre que finalement, ça, il ne peut pas être une alternative pour les périphéries de pays et surtout pour les Baloutches kurdes, etc., avec leur revendication de droits d'être autonome ou avoir certaines autonomies régionales, etc., c'est qu'ils s'en foutent complètement de la question de pauvreté, la question de classe sociale, la question qui croise du coup de extractionnisme, la question qui croise du coup le centralisme économique, politique, etc., qui a donné vraiment la pauvreté généralisée dans ces régions. Alors qu'on voit dans les slogans de Baloutchistan et dans les slogans de Kurdistan, ce qui a été très remarquable, c'était que toujours à côté de liberté, on avait les slogans d'égalité. Il y avait énormément de revendications pour les écoles publiques, les secteurs de santé. Hier, par exemple, une figure très importante religieuse de Baloutchistan, Abdelhamid, du coup, il a fait une interview, il a publié dans son interview, il a parlé de nécessité d'avoir un État complètement social au Baloutchistan. Du coup, il parlait de l'école publique, de l'hôpital public et tout ce qui est lié du coup de l'état social. Ce sont des revendications de classe sociale, mais qui ont été du coup mentionnées autrement de la part de ces figures conservateurs, pas conservateurs, de différentes manières. Alors que du coup, l'alternative républicaine, il n'a pas de réponse pour ces types de revendications dans ces régions-là. Finalement, il reste juste une réponse pour les gens qui habitent au centre du pays, qui sont souvent du coup farces chiites, qui n'ont pas connu ni le racisme en tant que minoritaire, ni la pauvreté généralisée, ni le chômage de 40%, par exemple, en tant que kurde, baloutche, arabe, etc. Du coup, qui ne sont pas éligibles pour parler de la politique de reconnaissance, c'est-à-dire de reconnaître les droits politiques et sociaux de ces populations, comme par exemple les droits qu'on peut avoir l'occasion d'étudier en langue maternelle, par exemple, qui ont une revendication importante. Ou par exemple, tout ce qui est lié à l'écologie, qui ont une revendication hyper importante dans la région arabe kurde-baloutche. Vous voyez, parce qu'avec la dégradation écologique dans ces régions-là, ça fait partie de leurs revendications de classe, leurs revendications, leurs alternatives politiques. C'est pas en fait la question de vie, Jinjian Azadi. Du coup, quand on parle de Jian, quand on parle de vie, pour la plupart des gens de la région périphérique, ça se traduit à travers de l'écologie, à travers de la question de reproduction sociale pour les femmes, c'est-à-dire le fait de ne pas passer au nord pour aller chercher de l'eau et ramener... du coup à la maison, pour les femmes balouches, pour ne pas être du coup exonérées de faire des études parce qu'on est obligé de participer à la reproduction sociale tout le temps à la maison parce qu'il en manque les bases nécessaires de manière matérielle. Tous ces éléments sont complètement absents et ne sont pas reconnus dans le discours et dans l'agenda politique des républicains, de groupes d'opposition et qui sont souvent basés en diaspora. C'est parce que finalement, un autre élément qui a été reproduit dans ce discours dominant, c'est que la diaspora iranienne, cette diaspora iranienne, qui est plutôt à droite, malheureusement, au contraire de tout ce qu'on entend plutôt de l'Iran, il y a plus d'unité, il y a plus de voix progressistes en Iran que malheureusement à l'extérieur, parce que finalement la diaspora, elle a été complètement monopolisée, au moins par les médias à droite. Du coup, on entend très peu le discours de gauche, etc. Du coup, cette diaspora, jusque-là, tout ce qu'ils ont publié en tant qu'agenda alternatif face au régime de République islamique, c'est souvent aussi un sort de reproduction de transformer le nationalisme iranien, qui est dominant depuis 100 ans, depuis un siècle en Iran, de dictature de Shah jusqu'au dictature de Khomeini jusqu'à aujourd'hui. Du coup, de transformer ce nationalisme vers un sort de racisme. Du coup, là, les gens qui sont contre les Arabes, contre les Kurdes, contre les Baloutches, dans leur discours, là, on entend beaucoup de l'Iran, grand Iran, les Iraniens. Qui est iranien? Demandez à un Baloutche. Est-ce qu'ils se sentent iraniens, aux Baloutches, ou les deux, ou rien? Il faut laisser aux gens de choisir aussi leur identité. C'est ça la politique de reconnaissance qui va être complétée avec la politique de la redistribution des ressources, etc., qui est du coup une politique matérialiste. Mais finalement, c'est le racisme qui remplace, qui complète le nationalisme. C'est-à-dire, le racisme, si c'était envers des Afghans, qui a vraiment renforcé depuis quelques mois en Iran, ce racisme, ça se traduit ici comme un sort d'islamophobie contre les Arabes, contre les immigrés, alors que nous-mêmes, on est victimes de cette politique misogyniste, cette politique d'extrême droite, ici par exemple en France. Du coup, la diaspora iranienne, elle n'hésite pas à reproduire, à contribuer, à participer à ce type de racisme, parce que dans leurs idées, dans leurs agendas politiques, en fait, elle accueille ces idées, parce qu'ils partagent ces idées dans leurs agendas politiques. C'est parce que finalement, il ne peut pas vraiment être une alternative dans ce sens-là pour cette situation. Et tout ça, du coup, elle a amené une crise très importante. Tout ce qui a été un espoir, il devient vraiment une crise très importante après la période de 2022. L'espoir, c'était l'unité nationale contre le régime. Finalement, Kurdistan, Chechmachirag et Iran. Le Kurdistan est la lumière. La lumière d'Iran, etc. Donc, c'est-à-dire, voilà, il y avait beaucoup des slogans kurdes dans la région turque, les slogans turcs dans la région kurde, etc. Tout le monde était très content d'avoir finalement vu cette unité pendant le mouvement. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un décalage énorme qui a été intensifié, qu'on n'a jamais connu, à mon avis, depuis la révolution iranienne. C'est-à-dire ce qu'on appelle parfois les camarades kurdes, les camarades baloutches, ils parlent de ce que j'appelle la stratégie de rupture. C'est-à-dire, ils nous ont tellement, on a tellement entendu des trucs nationalistes de la bouche des nationalistes, des groupes d'opposition de diaspora, et aussi les figures de gauche iraniens qui écrivent, qui partagent pas mal des choses avec les nationalistes à droite, ils sont de gauche, mais du coup, il y a le consensus apparemment sur la question de nationalisme iranien. Nationalisme iranien, c'est souvent nationalisme pan-perse, c'est-à-dire c'est vraiment quand il imagine l'Iran, pour eux l'Iran, c'est-à-dire c'est les Perses. Et c'est les revendications des Perses, des autres, soit ils n'existent pas, soit ils sont pas les citoyens des premiers plans. Mais de toute façon, cette stratégie de rupture, ça peut intensifier en fait tous ces décalages, et c'est vraiment une crise importante pour le mouvement post-révolte depuis 2020. Donc qu'est-ce qu'on fait face à cette situation? Soit on va réussir de gagner la confiance des minorités, des Kurdes, de Baloutch, des Arabes, des autres, soit on va réussir de gagner leur confiance, soit finalement ce qui va perdre, c'est l'ensemble du mouvement populaire en Iran. Parce que sans avoir cette unité, c'est pas possible de faire chuter le régime. Et si on le fait, on risque d'être tout de suite être isolé et nous-mêmes réprimés par les pays voisins, etc. Et si du coup, on n'arrive pas de respecter les droits, les revendications politiques, au-delà des revendications culturalistes, hein, les droits politiques, le haqqatayni sardamesht, c'est-à-dire le droit d'avoir certaines autonomies régionales de la part des groupes minorités nationales, si on n'arrive pas de respecter ces droits, c'est l'ensemble du mouvement qui est en menace. C'est parce que finalement, la menace principale, ce n'est pas la répression. Les gens, ils vont revenir dans la rue de toute façon, parce que c'est la vie matérielle qui pousse les gens de faire la révolte. Et l'histoire de mouvements kurdes partout depuis un siècle, il montre que la répression, il ne peut pas cesser vraiment la révolte. Il ne peut pas cesser la résistance non plus. Par contre, le nationalisme iranien, c'est une vraie menace qui peut cesser vraiment la puissance de mouvements populaires en Iran pour du coup shooter le régime. Ça, c'est très important, je voulais insister là-dessus, parce que d'un côté, on voit qu'au niveau de féministes, depuis 2 ans, le mouvement il est en train d'être masculinisé, c'est-à-dire ce sont surtout les figures masculines, ce sont des discours masculinistes qui remplacent, on a parlé un peu, qui remplacent le discours féministe du coup Femmes et Liberté. Quand on recule un peu de mouvement, on voit de plus en plus du coup, de place encore pour les figures masculinistes, mais ce n'est pas que les figures, il y a le discours aussi, c'est-à-dire la question des femmes et minorités sexuelles, la question des cuirs, personnes cuirs, etc. Elle a très peu de place malheureusement aujourd'hui encore dans les alternatives, et si elle a la place, c'est juste une place très performative et ça ne colle pas avec la réalité. Et on a aussi du coup la domination du discours racialisé, racialisation de mouvements, c'est-à-dire finalement un sort de nationalisme qui se traduit avec le racisme envers des Baloches, des Arabes, des Afghans surtout, et aussi envers des autres populations ici dans la diaspora en France. Peut-être on aura le temps de revenir à quel point ces gens-là, du coup, ils participent là au discours, par exemple, pro-Israël aujourd'hui. C'est un sort de racisme aussi, parce qu'ils sont tellement anti-arabes qu'ils peuvent devenir tout de suite anti-Palestine. Vraiment, à tel point. Et c'est-à-dire, c'est pas un hasard quand on voit autant des gens de l'opposition iranienne qui sont pro-Israël, bah, surtout aux États-Unis, mais pas que. Parce que finalement, c'est nourri par le racisme contre les autres, qui se traduit par un racisme contre les Arabes, qui s'expose aussi quand il s'agit de la question des Palestiniens. Et finalement, ça divise de plus en plus le mouvement qui est du coup en faveur de Palestine, de peuple, les droits de peuple palestinien ou non. Je pense que j'ai beaucoup parlé, je voulais un peu parler, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Je voulais juste finir avec l'actualité de Kurdistan. Parce que pour nous, c'est une autre phase, c'est plutôt la phase de crise, bah, pour nous en tant que les gens contre le régime. Et je pense pour le régime aussi, c'est une autre phase. Et c'est la phase de reconstruction pour le régime iranien. Notamment, quand il s'agit de Kurdistan, on le voit très bien cette phase de reconstruction, le régime. Il a d'abord commencé à attaquer les bases des partis politiques armés kurdes dans la région autonome de l'Irak, du coup, Parti Komalé et démocrate. Du coup, ce sont les familles aussi de ces partis politiques qui vivent là-bas, c'est-à-dire les écoles, leurs lieux de vie, etc., qui a été attaqué pendant du coup, la révolte 2022. Et là, depuis la révolte, et surtout récemment, ces dernières semaines, on voit qu'ils ont déplacé ces camps de réfugiés, ces camps des partis politiques complètement en Irak. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils ont fait avec le Mujahideen de peuple, de déplacer complètement et finalement finir avec l'histoire d'avoir une opposition à la frontière de l'Iran comme une menace permanente. Ils sont en train de faire la même chose avec les partis politiques armés kurdes pour se débarrasser complètement, du coup, les menaces potentielles, les groupes opposition potentiels kurdes à la frontière de l'Iran. Est-ce qu'on entend des réactions par rapport à ça de la part de l'opposition? Non, parce que finalement, ils ne se sont pas considérés comme les alliés potentiels pour faire chuter le régime en Iran. Parce que finalement, la plupart des nationalistes à droite et à gauche, ils sont d'accord qu'il serait mieux qu'ils ne soient pas là, à la frontière de l'Iran. Parce que même si on était sur plein de choses, la gauche patriotique ou la gauche nationaliste, il n'est pas d'accord avec le régime islamique de l'Iran. Par contre, sur la question de territoire, sur la question de lutte armée, sur la question de la manière dont on traite les partis politiques kurdes, etc., ou certains partis dans des autres régions de Baloutchistan arabe, sur ça, on voit qu'il y a plus ou moins de consensus, sans le dire. Du coup, il n'y a pas vraiment des accords très profonds. Et là, ça se présente aussi dans cette situation. Alors que le Kurdistan, il résiste malgré une répression très forte qu'il a subie depuis la révolte. Il y a énormément de prisonniers politiques, de suivi judiciaire, de torture qui revient dans la pratique de régime. Du coup, on a énormément des acteurs qui continuent à résister. On a Mordalan et Datra, les maires qui revendiquent la justice. On a des prisonniers politiques. On a des acteurs comme les militantes écologistes qui étaient très actives ces derniers mois. On a les féministes et les acteurs de la cause des femmes qui sont toujours actives. On a la mobilisation des enseignantes qui sont toujours très actives et les mobilisations des activistes pour pouvoir du coup, avoir le droit de parler, d'éduquer dans la langue maternelle, etc. Du coup, il y a énormément d'acteurs qui sont actifs, qui gardent quand même cet espace politique très vivant au Kurdistan, et pas que au Kurdistan. En Iran, c'est la même chose. Les femmes, elles essaient de continuer à résister malgré la répression, etc. Mais vous voyez, quand la résistance, elle avance, et de l'autre côté, il n'y a pas la reconnaissance de cette résistance de la part des autres acteurs en Iran, du coup, c'est très difficile de finalement trouver un pont pour pouvoir travailler politiquement ensemble. Alors qu'on a réussi à démythifier plein de choses à travers de la révolte. Pour la première fois, on pouvait facilement parler de la révolution. Pour la première fois, on peut facilement parler de la lutte de classe, alors que c'était interdit de parler de la lutte de classe, comme si le socialisme, c'était un truc qui a été fini pour toujours et il ne faut pas revenir là-dessus, etc. On ne pouvait pas parler de colonialisme interne. C'est-à-dire la pratique, la manière dont on qualifie ce régime dans la région kurde, dans d'autres régions périphériques de pays, tout ça, on était démythifié. Pourtant, du coup, dans la pratique, le groupe d'opposition, les gens qui ont plus de pouvoir médiatique, leurs représentants, ils ont vraiment échoué du coup, à utiliser cette occasion très importante pour avancer la lutte, et on voit plutôt le recul et la masculinisation de la lutte. Désolée, j'ai beaucoup parlé, j'ai trop envie de vous entendre. Merci beaucoup. 106.3 FPP, c'est toujours la jungle des luttes. On revient toujours à la RI, la discussion qu'il y a eu autour du mouvement Femmes, Vie, Liberté et de l'état de la situation politique, militante et la question de la révolution en Iran. Et donc on continue avec des échanges. Des exposés un peu différents mais complémentaires. Mais ni dans l'un ni dans l'autre, on n'a rien entendu sur le mouvement revendicatif en Iran. Là, à l'instant, Amir vient de dire « la rue, c'est calme ». Oui, c'est vrai, mais l'usine n'est pas calme du tout. Les hôpitaux ne sont pas calmes. Nous avons un mouvement revendicatif qui est en train de trouver son niveau d'avant-épidémie de corona. L'Iran est le pays où il y a le nombre exemplaire des grèves, des actions de protestation. Aucun autre pays au monde n'est pas aussi secoué par le mouvement ouvrier. C'était complètement absent de vos discours. Ça, je pense qu'il faut vraiment être un peu ouvriériste, si j'ose dire, pour ne pas oublier qu'il y a un mouvement autrement puissant qui était à l'époque de soulèvement de Gina aussi. Et justement, toutes les problématiques, c'est pourquoi ils ne se croisent pas. Pourquoi le mouvement revendicatif en Iran ne croise pas le mouvement politique. Et tant que vous n'avez pas les ouvriers dans un pays capitaliste à votre côté, vous pouvez tout faire, mais pas la révolution, ça c'est sûr. Et si vous n'avez pas les ouvriers avec vous, si vous n'avez pas les travailleurs avec vous, maximum que vous pouvez faire, c'est de faire ce qu'on a fait dans le printemps arabe. Ça veut dire des mouvements de rue énormes. Hein, en Égypte, on a eu 17 millions de gens dans la rue. Vous voyez le résultat? Quand il n'y a pas d'organisation, quand il n'y a pas des actions collectives, organisées, planifiées, c'est ce que nous allons. Il ne faut pas oublier qu'il y a des discussions sur est-ce que c'est nécessaire d'avoir des anciens, à l'époque de dinosaures, des conseils ouvriers, c'est nécessaire ou pas? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des syndicats ou pas? Ou ce que nous sommes entrés dans l'ère de révolution par Starlink? Et là, franchement, je pense que notre débat doit être un peu enrichi dans ce sens-là, et surtout parce que vous avez, à mon avis, surtout Somalier, que je l'estime beaucoup, on a fait des débats ensemble, et tu mets un peu trop l'axe sur la question nationale. La question principale en Iran en ce moment, c'est pourquoi il n'y a pas de jonction entre le mouvement revendicatif et le mouvement social, le mouvement politique. Que ce soit les revendications nationalistes ou liberté des femmes, tout ce qu'on connaît. Nous vivons dans un pays capitaliste recouvert par un État, appareil d'État religieux. Donc nous avons une complexité des questions qui s'intercalent, qui s'interposent, et c'est compliqué à répondre. De se concentrer sur Ilan Chavisme, notre fascisme à nous, on le connaît très bien. On a eu le droit pendant 50 ans de fascisme royaliste, après nous avons une sorte de fascisme religieux, ça ne nous manque pas en Iran, on sait malheureusement. Mais là, en ce moment, à cet instant T, il faut absolument avoir un autre regard sur ce qui se passe en Iran et de penser l'articulation du mouvement revendicatif. Je répète, il n'y a dans aucun pays au monde, pas la région, au monde, autant de mouvements de grève et des actions des salariés. Les retraités, les infirmières, les enseignants, les complexes industriels, pétrochimie, l'industrie de pétrole, pour la première fois depuis 44 ans, les trois secteurs de l'industrie de pétrole sont en grève en même temps. Les salariés CDI, les Arcansales, parce que c'est un peu compliqué pour expliquer aux Français, et les... j'ai oublié le mot... les CDD. En ce moment, tous les trois sont en grève. Ils étaient en grève pendant des mois. Et notre problématique est justement pourquoi ces mouvements-là ne se transforment pas en des mouvements politiques. C'est là qu'il faut vraiment, on articule, c'est là qu'il faut regarder. On oublie, sous le feu des analyses un peu passe-partout, que l'Iran, c'est un pays capitaliste, dans lequel plus de 74% sont des gens qui vivent dans les zones urbaines. Ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas la Syrie. L'Iran, c'est un pays développé. Malgré la volonté des ayatollahs, les relations de mode capitaliste en Iran n'ont jamais aussi développé en Iran. Vous avez partout, même dans les petits villages de Khuzestan, vous avez des distributeurs de billets automatiques. Les rapports de production capitaliste, c'est omniprésent. Il n'y a plus de mode de pré-capitaliste en Iran. Nous n'avons pas des tribus. On essaye, hein, on l'entend. Ah, le tribu héroïque de Bakhtiari est en train d'offenser sur telle ville. Mais c'est du cinéma, ça, vous le savez. Nous, on le sait. On sait que l'Iran, c'est un pays urbain, avec 74% des gens qui vivent dans les zones urbaines. Nous avons la classe des salariés, dans la définition large de classe ouvrière, de loin la classe la plus peuplée de l'Iran. Il faut penser à ça. Et je pense que le mouvement héroïque de Jinnah n'a pas répondu à ça. Et il ne faut pas simplement dire et applaudir ce qui s'est passé. Il faut dire pourquoi il ne s'est pas avancé. Répression, d'accord. La répression, ça a toujours été. Et la répression, il sera toujours. Justement, il faut articuler la répression aussi. Le fait que dans un pays... Je vais terminer, je sais que je suis en train de parler plus qu'eux. Je ne sais pas. Enfin... Le fait que dans un pays où faire grève est interdit et d'avoir des organisations indépendantes des ouvriers est interdite, vous avez des grèves que nulle part ailleurs on trouve, ça montre quand même qu'il y a un potentiel révolutionnaire énorme. C'est ça, c'est à ça qu'il faut répondre. Et bien entendu, le problème de l'apartheid sexuel en Iran, c'est énorme, mais il faut l'articuler ça aussi. Sinon, bon, vous avez dit qu'il y a des femmes, les hommes sont en train de pousser les femmes un peu à côté. On le voit, vous avez raison. Mais bon, nous avons des femmes aussi qu'on préfère. Il y a des femmes qu'on aimerait pousser à côté, mon ami Khoir, comme Massi Ahmadinejad, on aimerait les pousser un petit peu à côté, mais on ne réussit pas. Il faut penser à ça aussi, ça veut dire que cette coupure, comme il parlait, Amir, transversale de questions de... Et il faut vraiment le travailler. Merci. Merci beaucoup. Et donc justement, il y a la lecture d'une lettre qui a été envoyée, qui depuis la prison aussi, on se pose des questions et on essaye d'analyser la situation. On le partage avec vous. De lire des extraits d'une lettre de deux enseignants, plus exactement, une lettre. Qui est sorti en tout cas le 1er mai 2024 et qui justement, donc on a beaucoup hésité tout à l'heure là dans la cuisine, est-ce qu'on la lit ou est-ce qu'on la lit pas parce qu'elle est un peu longue, et justement vu la dynamique des discussions, finalement on a bien fait de la garder parce que ça répond pas à toutes les questions, mais c'est une lettre qui a le mérite de poser tous ces problèmes et de montrer tout ce qui bloque. Et finalement, par un heureux hasard, ça résume tout ce qui vient d'être dit, tout l'échange qui vient d'avoir lieu. Donc je vous précise que l'ami qui a traduit cette lettre a fait aussi beaucoup d'efforts pour la réduire. Ce ne sont que des extraits. Je vais essayer d'aller vite, mais pas trop vite. Mais voilà, comme le temps avance, on ne peut pas non plus prendre trop de temps. C'est une lettre intitulée « Vers une politique collective contre la précarité ». Le sujet, et donc dont les auteurs et autrices sont Anisha Assadollahi et Kevan Mohtadi, et donc la lettre date du 1er mai 2024. Vers une politique collective contre la précarité. Le sujet de cette note est plus ou moins familier. La question est de savoir pourquoi, malgré la pluralité sans précédent de mouvements de protestation et de politiques d'émancipation, Ceux-ci ne convergent pas autour d'un projet commun. Comment une coalition émancipatrice peut-elle se former entre ces mouvements? Comment pourrait-elle devenir une véritable alternative à la situation actuelle? L'arbre des combats a donné plein de fruits, mais à quoi bon? Les dernières années ont été remarquables en termes de protestations dans notre histoire contemporaine. Des manifestations contre la destruction de l'environnement aux cris de femmes, vie, liberté. Des filles de la révolution aux mères en quête de justice. Des grèves et des contestations ouvrières, des enseignants, des retraités, des infirmières, au soulèvement soudain et généralisé. En ce sens, le mois de décembre 2017 a marqué une rupture nette avec le discours politique antérieur et a fait tomber les acteurs politiques désuets de leur tour d'ivoire. Sur le plan pratique, nous avons observé pendant cette séquence une pluralité sans précédent de sujets politiques se mettant en acte. Cette diversité, qu'elle soit géographique, sociale ou revendicative, a été frappante. C'est à ce moment que sont apparus des manifestants qui ne se conformaient plus au cadre du pouvoir et ne cherchaient plus à réformer le système de l'intérieur, même si les groupes dispersés n'étaient pas coordonnés et ne s'exprimaient pas d'une voix unifiée. Par la suite, les protestations ont continué à se développer avec la même force centrifuge. En novembre 2019, nous avons été témoins d'une autre révolte nationale dont l'écho résonne encore aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'émeute n'est pas un modèle du passé. Au cours des dernières décennies, dans le monde entier, particulièrement dans notre région, les émeutes pour le pain et pour l'énergie sont devenues des formes omniprésentes de protestation. De plus, contrairement à ce qu'on pense, ces révoltes ne sont pas aveugles. Elles possèdent une légitimité morale et un modèle éthique. Cependant, le tournant le plus important de notre histoire contemporaine a été le mouvement Jina. L'année 2022 a été la première où les soulèvements nationaux ont trouvé un écho harmonieux et ont visé le cœur de l'ordre établi. Le choix du slogan « Femme, vie, liberté » par un mouvement national représente un tournant important non seulement dans notre histoire, mais dans l'histoire de tous les mouvements de protestation. Aujourd'hui, la protestation et la résistance sont devenus un élément de l'identité sociale d'une grande partie de la jeune génération. Et peut-être que le seul signe visible de l'existence d'un double pouvoir, c'est-à-dire d'une part l'établissement du pouvoir populaire et d'autre part le pouvoir dominant, est la lutte en cours pour le droit des femmes à choisir leur tenue vestimentaire et à disposer de leur corps dans l'espace public. Malgré cette histoire riche, pourquoi ces mouvements n'ont-ils pas encore abouti à un changement fondamental et durable? Outre la répression sévère, l'absence d'organisation, de projets communs et de nouvelles perspectives est souvent citée. Ces facteurs sont tous corrects. Mais pour sortir de cette impasse, nous devons analyser plus précisément ce qui manque vraiment. L'organisation et le projet commun doivent-ils être injectés de l'extérieur ou doivent-ils émerger de l'intérieur? Et si c'est de l'intérieur qu'ils doivent surgir? Cela se fait-il spontanément ou nécessite-t-il un certain degré d'organisation et une compréhension commune entre les différentes forces? Comment atteindre une compréhension commune malgré les différences de conditions de vie, et de point de vue? Cette absence nous confronte à une autre grande absence dans les luttes récentes, celle de la classe ouvrière dans le rôle qu'on lui attribue traditionnellement. Les mouvements syndicaux et ouvriers sont toujours en décalage par rapport à ces soulèvements, comme on a pu le constater lors du soulèvement de Jina, avec un net recul des grèves et des protestations ouvrières. Bien que ces mouvements aient soutenu les soulèvements à leur manière, il n'existe pas encore de lien fort et intime entre la classe ouvrière et d'autres questions comme celle des droits des femmes. Cette séparation est visible non seulement dans les soulèvements, mais aussi au quotidien dans le mouvement ouvrier. Par exemple, dans notre expérience personnelle, il a été attendu de l'un d'entre nous, en raison de son genre, qu'elle aborde la relation entre la classe ouvrière et les femmes. Bien que cette intersection soit importante à penser, elle montre que la question de la classe ouvrière est encore perçue comme extérieure à la lutte des femmes. La séparation entre les luttes relativement organisées de la classe ouvrière et les récents mouvements reflète l'absence de perspectives et de projets communs au sein de la classe ouvrière elle-même. Les conditions de travail précaires sont bien plus répandues que nous le pensons. La plupart d'entre nous travaillons de manière atomisée, en télétravail, ou alors cumulent plusieurs emplois à temps partiel. Pourtant, la majorité de nos organisations ouvrières et de nos luttes syndicales restent encore limitées aux travailleurs statutaires avec contrat de travail, et ne sont pas en mesure de diriger ni même de représenter une grande partie de la force de travail de notre société. Permettez-nous de donner un exemple de notre propre expérience. Nous sommes tous les deux en prison pour avoir soutenu le droit de s'organiser en association, collectif, syndicat, et pour avoir soutenu le droit de rassemblement des syndicats indépendants indépendants, tels que les associations professionnelles des enseignants. Nous avons été également en lien étroit avec des organisations syndicales. Nous gagnons notre vie depuis des années en enseignant, en tant que précaires, rémunérés à l'heure, dans des écoles, des instituts ou encore sous la forme de cours particuliers. Néanmoins, nous savons que les enseignants comme nous, qui représentent une grande partie de la force de travail éducative, ne sont représentés dans aucune organisation syndicale. Et de plus, pour beaucoup de travailleurs officiels, nous ne sommes même pas considérés comme de véritables enseignants. Ces remarques ne visent pas du tout à minimiser le courage, le sacrifice et la résistance des militantes et des militants syndicaux et ouvriers au cours de ces dernières années. La force de travail des statutaires, c'est-à-dire ceux qui bénéficient d'un véritable contrat de travail en CDD ou en CDI, ou qui sont titulaires, qui ont un contrat formel, et donc en dehors de tous ceux qui travaillent dans des conditions informelles. Donc la force de ce travail, la force de travail officielle, entre guillemets, bien que réduite, joue un rôle très important. Cependant, nous constatons que les changements dans la composition interne de la force de travail et les rapports salariaux, ainsi que la diversité des visions et des perspectives dans divers secteurs du travail, sont tels que les cadres et organisations existants ne sont pas en mesure de représenter ensemble l'ensemble de la force de travail de manière unifiée. Dans une telle situation, on ne peut pas s'attendre à ce que la classe ouvrière, en tant que sujet cohérent et doté d'une unité inhérente, puisse jouer un rôle. Les organisations et militants syndicaux et ouvriers sont contraints de sortir du cadre sécurisé des emplois officiels, c'est-à-dire statutaires, et d'explorer ce nouvel horizon, même pour atteindre leurs propres revendications professionnelles. Aujourd'hui, la précarisation de la vie du travail a pris une importance fondamentale, car elle incarne le modèle dominant de gouvernance économique et politique. Deux éléments clés du capitalisme néolibéral ont conduit à cette précarisation. D'abord, chaque individu est responsable de tout, est censé être responsable de tout, et ensuite l'État ne fait que créer et protéger l'espace commercial. Nos vies sont marquées par une instabilité constante, une crise permanente de reproduction et de survie, une imprévisibilité, une anxiété, une aliénation omniprésente et un manque de cohérence de nos récits personnels et sociaux. Sous cette gouvernance, même si les frontières de classe sont floues, la société est brutalement hiérarchisée. Tous les groupes sociaux se définissent en opposition. La classe moyenne abandonne les pauvres. La classe ouvrière critique les travailleurs afghans. Les travailleurs statutaires voient les informels comme des rivaux. Le genre, les minorités, les discriminations dominent les relations sociales. La précarité ne se limite pas à l'imprévisibilité, elle symbolise un processus systématique de désappropriation et d'affaiblissement du pouvoir de la société entière. La précarité ne peut expliquer la composition actuelle des classes, mais souligne leur fragmentation interne. Selon une perspective marxiste, cette classe hétérogène, construite à travers la lutte, pourrait devenir une base de compréhension commune où les luttes se nourriraient mutuellement. Nous devons repenser notre définition du travail dans le capitalisme en incluant le travail domestique et forcé, ainsi que les discriminations genrées et ethniques. Ce cadre doit reconnaître les différences entre les formes de travail sans les dissoudre dans une définition abstraite, permettant ainsi au mouvement ouvrier d'intégrer les revendications des travailleurs informels et domestiques. Dans les mouvements actuels, cette perspective du travail permettrait de renforcer la solidarité tout en respectant les différences, en affirmant que les mouvements des femmes et des minorités ethniques sont des mouvements de travailleurs, sont aussi des mouvements de travailleurs. Il ne s'agit pas d'homogénéiser toutes ces luttes en une seule classe, mais de reconnaître la pluralité des luttes ouvrières et des spécificités de chaque mouvement. C'était donc une lettre datée du 1er mai 2024, écrite depuis la prison d'Evin, par Anisha Assadollahi et Kevon Mourtadi. Merci. 106.3 FPP, la jungle des luttes, c'est bientôt la fin de notre programme. On va faire une petite pause musicale, mais on finit quand même avec Remise à flot. Et de la lutte, ben voilà, c'est la lucha sigue et un monde qui contienne tous les mondes. Si on pouvait y arriver, on essaye de tous y travailler. Allez, on va mettre un petit peu de musique et on reprend. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Mes amis ont des voitures, il y en a d'autres en aventure. Mes amis ont des villas, oh que moi j'ai ma jara. Petit à petit, l'asso fait son nid. Petit à petit, l'asso fait son nid. Donni donni, kononi banyala. Donni donni, kononi banyala. jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mes frères ont de l'argent. Il y en a d'autres qui ont des enfants. Mes amis ont des bijoux. Ok, moi je m'en fous. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donne, donne, kononi banyala. Donne, donne, kononi banyala. Mi amor, nunca es tarde, mi amor, nunca es tarde, mi amor, nunca es tarde, mi amor. 106.3 FPP, la jungle des luttes. Je finis avec ce super réseau Remise à Flot. Il y en a peut-être qui connaissent déjà, puisque ça fait 27 ans que ce réseau a commencé à se former grâce à un super trio avec Sandrine Souno et André, qui justement a été le marinier et celui qui a pu faire naviguer son bateau depuis le sud jusqu'à Paris pour nous ramener des super vivres. Et donc, ça fait un réseau qui a grandi, évidemment, depuis 97 que ça a commencé. Donc, ça a grandi au fur et à mesure. Donc, c'est essentiellement des produits conserves, hein, puisque du coup, le voyage est quand même assez long et c'est pas équipé pour pouvoir transporter des denrées périssables, d'autant que l'idée, c'est aussi de faire un voyage et donc de pouvoir aussi faire des escales, de pouvoir charger de la marchandise et en même temps livrer des produits. Et donc ça, c'est aussi l'objectif, de pouvoir faire vivre les canaux et les fleuves autrement que grâce à des petits bateaux touristiques où les gens finalement ont aucune idée de ce que ça peut représenter le réseau fluvial et de la capacité que ça pourrait avoir aussi si on transportait des marchandises dans des petits gabarits, hein, parce que c'est pas la peine de tout défoncer comme le projet actuel au niveau de la Seine pour pouvoir passer des super méga bateaux qui pourraient remplacer 160 camions ou 129, enfin bref, quoi qu'il arrive, des bateaux trop importants qui demandent donc une restructuration des fleuves. Et donc ça, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est justement de pouvoir garder l'idée de la lenteur. Et donc avec des concerts, ça pose pas de problème. On fait une commande une fois par an et donc il y a un voyage par an et ça prend son temps et ça arrive. Et il y a éventuellement, donc je sais pas, voilà, ça va du cassoulet en passant par la tombe de chèvre. C'est semi-périssable, c'est vrai, mais ça tient, c'est organisé. Il y a aussi évidemment des confitures, du miel, du vin, parce que de sud, il y a plus de vin que dans nos régions. Et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir des produits gourmands et de créer un réseau convivial avec une idée de solidarité, puisqu'il y a aussi du produit qui vient d'ailleurs et pas seulement de nos régions, même si l'objectif, c'est justement d'éviter que ces produits fassent trop de route, mais voyagent par bateau. Mais par contre, il y a du café du Mexique et puis des produits de Viomine, coopérative grecque, qui a un super beau projet. Donc, c'est la première année dont on a des produits. On a donc l'objectif avec tout ça de aussi s'agrandir, de pouvoir rentabiliser aussi ce voyage, puisque la péniche peut en contenir. Et donc c'est aussi l'occasion, quand on va récupérer ces produits, de pouvoir faire des dégustations et aussi de se rencontrer et de discuter. Et le voyage, c'est aussi l'idée de pouvoir, à travers les produits, de pouvoir aussi avoir des nouvelles des producteurs qui sont aussi engagés, parce qu'on essaye aussi de choisir les producteurs. Et donc voilà, ce réseau Remise à Flot, c'est un réseau auquel participent pas mal de gens sur la région parisienne, quelques-uns aussi sur la route depuis Agde. Et aujourd'hui, il y a une situation un petit peu particulière et unique. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'acheter la péniche pour pouvoir perdurer, parce que c'est très compliqué, notre voyage étant un peu particulier, puisqu'on fait des pauses pour livrer, puis discuter et partager autour d'un verre et d'un morceau de rillettes de canard. Du coup, forcément, ça peut créer des difficultés si tu n'as pas ton propre bateau, parce qu'il faudrait le louer, et donc ça reviendrait cher de le louer pendant des mois pour finalement ne faire qu'un peu de trajet. Ça reviendrait cher aussi de si on n'a pas de mariniers qui sont en mesure de pouvoir aussi quitter leur travail pour pouvoir faire ce voyage. Donc voilà, il y a une idée militante. Nous, il y a une association, je dis nous, parce que du coup, il y a eu un nouveau mouvement qui a été créé récemment, justement, pour sauver le réseau via la possibilité du voyage annuel, puisque s'il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de voyage, et s'il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de réseau. Donc en fait, même si le réseau pouvait continuer à exister en tant que tel, si on n'a pas de produits à transporter sur l'eau, c'est plus le même projet, c'est plus nous. Donc là, il y a eu une mobilisation qui s'est faite auprès des gens qui avaient envie de se mobiliser pour essayer de récupérer ce bateau. Et donc, il y a un achat, un appel aux dons. Donc, vous pouvez éventuellement cliquer sur Hello Asso pour pouvoir faire vos dons, pour acheter Séraphine, comme le prénom Séraphine, la péniche Séraphine. Normalement, vous pouvez trouver le lien et vous pouvez éventuellement nous écrire à rafiot2020@gmail.com. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez surtout aussi nous rencontrer le 29 à la journée distribution café du Café Zapatiste. Donc vous pourrez en acheter ça du Café Zapatiste, mais vous pourrez aussi donc trouver une petite table pour vous présenter ce projet et cet achat de Séraphine, et vous pouvez venir avec vos dons si vous voulez en faire. Et en tous les cas, connaître et rentrer aussi dans le réseau, pourquoi pas commander pour l'année prochaine, puisque là, les distributions sont en train de se faire à partir de bientôt. Ce sera sur Paris à la fin du mois, justement. Ça, normalement, le bateau arrive très proche de la date du 29 septembre sur la région parisienne pendant plusieurs semaines. Donc, il y a moyen éventuellement de prendre contact et de voir ce qu'on propose. Est-ce que c'est le projet? On a également, et ça on est obligé de vous le dire dès maintenant parce qu'on aura l'émission le lendemain, c'est le 20 octobre, on a un concert et une discussion auparavant pour justement vous proposer, de vous présenter plus en détail ce projet. C'est au CICP le 20 octobre, donc dans le 11e à Paris. 17h-19h, on fait une petite discussion. Il y aura des photos et des gens pour discuter, des produits à déguster à un moment. Et également, ensuite, des concerts à partir de 19h, les concerts CCC, rock, ska, punk, j'ai pas encore vraiment la liste. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre donc au CICP le 29 septembre ou le 20 octobre ou les deux. Et puis merci de nous avoir écoutés, 106.3 FPP, la jungle des luttes. On a le blog si vous voulez nous réécouter du même nom, la jungle des luttes. Merci. Vamos adelante para que